Chapitre 41. La sentence. Dans la chambre forte, Ophélie n'entendit plus que son propre battement cardiaque, l'écoulement de l'eau sur le sol, le clignotement de la lampe renversée et, çà et là, le gargouillis des meubles sans dessus-dessous. Elle était tellement choquée par ce qui venait de se passer qu'il lui aurait fallu des mois, des années, une vie entière pour s'en remettre. Dans l'immédiat, une seule évidence s'imposait à elle. « Je dois parler à Monsieur Farouk. » Ophélie se tourna vers Thorne qui demeurait étonnamment silencieux. Son regard était dissimulé par sa main, contractée sur sa figure comme une grande araignée. « Thorne ? » s'inquiéta-t-elle. Il crispa davantage ses longs doigts osseux, plongeant sa figure dans leur ombre. Sa poitrine se mit à tressauter comme s'il luttait contre une quinte de toux. Sa pomme d'Adam s'agita et soudain, il éclata de rire. C'était un son âpre, parfaitement incongru, qui semblait provenir des tréfonds de son corps. Effarée, Ophélie se demanda s'il n'avait pas perdu l'esprit. Toutefois, quand sa grande main retomba enfin, elle révéla un regard affûté comme une flèche qui aurait enfin trouvé sa cible. « Ce simulacre divin m'a donné une leçon des plus instructives. » À travers les mèches de cheveux que l'eau et le sang avaient plaquées sur son front, les yeux de Thorne brillaient d'un éclat intense. « Et vous aussi, » déclara-t-il, « vous m'avez beaucoup appris. » Son rictus se brisa à l'instant où il voulut changer de position. Ses blessures venaient de se rappeler à lui. « Ne bougez plus, » lui dit Ophélie. « Je vais chercher de l'aide. Je vais parler à Monsieur Farouk. » Ses bottines patinèrent en vain sur la flaque d'eau. Thorne s'était agrippé à sa robe pour la retenir. « Non, laissez-le venir jusqu'ici. Ça n'a plus d'importance. » Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis ses paupières s'entrebâillèrent de façon à ne laisser filtrer qu'une étincelle. « Écoutez-moi bien. » Dieu ne sera pas le seul à garder un œil sur vous. » Ophélie n'avait pas la moindre idée de ce qu'il essayait de lui dire, et elle ne voulait pas le savoir. Peut-être était-ce la fébrilité liée aux derniers événements, mais une bouffée de détermination lui remonta du fond du ventre, comme une vapeur brûlante. Elle tira sur sa robe d'un geste brusque pour obliger la main de Thorne à lâcher prise. « Nous en rediscuterons quand vous serez sorti d'affaire, pas avant. » J'empêcherai Monsieur Farouk de s'en prendre à vous, je vous le promets. Alors promettez-moi, vous, de ne rien faire d'inconsidéré d'ici à mon retour. » Thorne appuya sa tête contre le mur dans un mouvement d'abandon, et son regard parut se perdre vers un lointain horizon intérieur. L'eau du tuyau cassé continuait de charrier son sang sur le marbre du sol. Il évoqua à Ophélie un pantin désarticulé, et elle eut soudain peur de le laisser seul. « Promettez-moi, » insista-t-elle. Le grand nez de Thorne expira un soupir. « Je ne fais jamais rien d'inconsidéré. » Sans plus perdre un instant, Ophélie se plongea dans l'or du mur, puis, rejaillie par le revêtement extérieur de la porte, elle vit la croûte de métal fondue à l'endroit où le mille-faces était entré et se demanda comment les agents de sécurité avaient pu ne pas la remarquer. Elle le sut à l'instant où elle trébucha sur un corps en uniforme. Le gendarme en faction était étendu par terre. Ophélie s'aperçut qu'il respirait profondément, mais elle fut incapable de le réveiller. Le mille-faces avait dû recourir à la narcolepsie pour le plonger dans un sommeil artificiel. Pour éviter d'avoir à ouvrir toutes les portes blindées qu'elle avait dû emprunter à l'allée, Ophélie se servit de leurs panneaux dorés comme de miroirs et passa directement de la première à la dernière. Si le mille-faces disait vrai, Farouk était déjà en chemin pour l'hôtel de police. Restait à savoir où précisément il se trouvait en ce moment même. La réponse lui parvint sous la forme d'un puissant brouhaha alors qu'elle gravissait l'escalier de marbre qui s'extrayait des sous-sols. Au sommet des marches, un cortège de courtisans arrivait en sens inverse, véritable avalanche de perruques, de redingotes et de robes. Ils se tenaient tous dans le sillage de Farouk et qui descendait l'escalier avec une infinie lenteur. Les gendarmes avaient beau tenter d'endiguer cette marée de visiteurs, ils étaient submergés par leur nombre. « Je vous en prie, monseigneur !» C'était la belle voix de Bérénilde qui s'élevait par-dessus toutes les autres. La longue traîne de sa robe glissant de marche en marche, elle levait un visage implorant vers Farouk. Accordez un sursis à mon neveu. Songez à tout ce qu'il a déjà accompli pour vous dans le cadre de ses fonctions. » Elle plissait douloureusement le front, agitait ses boucles d'oreilles avec fièvre et écarquillait de grands yeux troubles. Jamais Ophélie ne l'avait vu se montrer aussi vulnérable en présence de la cour. Si Bérénilde était l'émotion personnifiée, Farouk incarnait l'indifférence même. Sans même lui consentir un regard, il descendait impassiblement l'escalier, à croire qu'il était fait du même marbre que lui. Quand Bérénilde avisa Ophélie en bas des marches, elle s'immobilisa et tout le cortège l'imita dans un désordre de souliers. Quelques voix murmurèrent à l'arrière. « Que se passe-t-il? Pourquoi n'avance-t-on plus ?» Mais cette rumeur impatiente finit par s'éteindre et le silence qui tomba sur l'escalier fut bientôt absolu. Seul Farouk poursuivait mollement sa descente, les yeux mi-clos, sa longue chevelure blanche ondoyant comme une cape de soie. Ophélie monta les marches pour venir à sa rencontre. Elle devait offrir un spectacle pitoyable avec sa robe dégoulinante, ses boucles éparses et son bras cassé, mais cela lui importait peu. Elle hissa son regard aussi haut que possible, cherchant celui de Farouk sous ses paupières en abat-jour. « Je l'ai rencontré, moi aussi !» déclara Ophélie d'une voix amplifiée par l'acoustique des marbres. « Je sais ce qu'il attend de vous, mais vous n'avez pas à lui obéir !» Les courtisans échangèrent des regards médusés, et Bérénilde d'elle-même ouvrit une bouche interloquée. Ophélie était consciente qu'il n'y avait pas grand monde ici à pouvoir comprendre à qui et à quoi elle faisait allusion. Farouk continuait de descendre vers elle, une marche après l'autre, au ralenti, tel un gigantesque somnambule. Il était si près à présent qu'elle s'étonna de ne pas ressentir encore les premières vagues de son pouvoir. Ce n'était pas bon signe. Elle n'avait pas toute son attention. « Affirmez votre liberté !» insista-t-elle. « Affirmez-la, en épargnant Thorne !» Plus Farouk s'approchait d'elle, plus Ophélie avait l'impression paradoxale qu'il se tenait loin. Il maintenait son regard hors de sa portée, et lorsqu'enfin il lui répondit, sa voix résonna comme dans une crevasse de glacier. « Je dois faire ce qui est écrit. » Ophélie comprit dès lors que non seulement l'esprit de famille ne cesserait pas de descendre, mais qu'il ne ferait rien non plus pour la contourner. Elle aurait fini sous ses pieds si Bérénilde ne l'avait écartée de son chemin à temps. Le cortège de courtisans reprit sa procession à la suite de Farouk. Les favorites frissonnaient sous leur parure de diamants, impropre à l'univers glacial de l'hôtel de police. Même l'aide-mémoire qui serrait le pense-bête entre ses bras jetait tout autour de lui des coups d'œil incertains. Quand Farouk fut parvenu en bas des marches, les gendarmes ouvrirent les portes blindées sans plus argumenter. Bérénilde entraîna Ophélie dans un recoin d'escalier où elle ne serait pas trop bousculée. Elle prit ses mains dans les siennes comme une naufragée se raccrocherait à un radeau. « Je ne reconnais plus notre Seigneur. Il n'est pas dans son état normal. Je dois faire ce qui est écrit. Il n'a que ces mots-là à la bouche. On dirait qu'il ne songe qu'à punir mon pauvre garçon. Pourquoi lui avez-vous adressé ces paroles ? Comprenez-vous ce qui lui arrive ? Que va-t-il advenir de Thorne ?»« Je les vois !» s'exclama une voix surpuissante. « Laissez-moi passer ! C'est ma fille !» À la vive surprise d'Ophélie, sa mère jaillit de la foule de nobles dans une explosion de robes rouges. Son père, son grand-oncle, la tante Roseline et sa sœur Agathe se pressaient derrière elle. « C'est donc pas des carabistouilles ? Ils t'ont vraiment marié à M. Thorne ? En prison ? Sans nous autres ? Sans cérémonie ? Sans robe de dentelle ?» Archibald émergea à son tour du cortège, son haute forme sur le point de chavirer par l'arrière. Il portait le bébé de Bérénilde à bout de bras comme si on lui avait confié un feu d'artifice sur le point de s'allumer. « Nous ne devons pas rester ici. Thorne m'a demandé de vous faire évacuer les lieux si les choses devaient mal tourner. » Archibald posa un regard appréciateur sur le flot de nobles qui s'engouffraient dans les sous-sols. « De mon point de vue, elle ne tourne pas bien du tout. « Rentrons à la maison, sœurette !» supplia Agathe en tirant sur l'écharpe de sa sœur. « La cour, ce n'est vraiment pas ainsi que je l'imaginais. » Étourdie, Ophélie leur tourna le dos à tous, ferma les paupières, fit abstraction du bruit et verrouilla son esprit. Farouk était-il réellement devenu inaccessible? Elle pivota vers son grand-oncle qui jurait en patois chaque fois qu'un noble le bousculait. « Les comptes d'objets que vous m'avez envoyés, aucun n'a autant troublé M. Farouk que celui de la poupée. »« La poupée ?» bredouilla le grand-oncle dans ses moustaches. « La poupée qui rêvait de devenir une actrice ?» Ophélie acquiesça, plus pour elle-même que pour lui. À la fin du compte, la poupée découvrait que le rêve qu'elle voulait réaliser était en fait celui de sa propriétaire. « Monsieur Farouk confond sa propre histoire avec celle du comte. J'aurais dû lui inventer une autre fin. » À l'instant précis où Ophélie prononça ces paroles, un éclair de douleur lui traversa le front de part en part. La mémoire de sa lecture se débloqua sous la poussée du pouvoir familial de Thorne. Le soldat sans tête, l'ancienne école, le parfum des mimosas, les fenêtres éventrées, les miroirs drapés. Ophélie fut aspirée par le tourbillon du temps et revit le jeune Farouk agenouillé à ses pieds, levant vers elle un regard avide. « Pourquoi dois-je faire ce qui est écrit? Qu'est-ce que je suis pour toi, Dieu ?»« Je sais, » murmura Ophélie en se tournant vers Bérénilde. « Je sais enfin ce que je dois lui dire. Emmenez votre bébé loin de cet endroit. Je vous rejoindrai plus tard. » Alors qu'elle redescendait déjà précipitamment les marches, sa mère la retint par la manche. « Minute, papillon !» D'un regard inflexible, Ophélie la mit au défi de l'empêcher de repartir, mais sa mère s'approcha et, avec des gestes fatalistes, resserra le nœud de l'écharpe autour de son bras et repoussa ses cheveux broussailleux de façon à bien dégager son visage. « C'est un fameux numéro, ton monsieur Thorne. On ne m'ôtera pas de l'esprit que tu t'accroches à lui parce que moi, je ne peux pas l'encadrer. Mais bon, c'est ton mari à présent, et ta place est à ses côtés. Ma place à moi est de t'attendre ici. Sois prudente surtout. » Ophélie comprima la main de sa mère avant de la relâcher. « Merci, maman. » Tandis qu'elle se frayait un passage dans la foule, Ophélie songeait que le message dont elle était porteuse contredisait tout ce qu'elle avait vu de Dieu cette nuit. Pourtant, elle savait, avec une absolue certitude, qu'il n'y avait pas d'erreur possible. C'était cela et rien d'autre qu'elle devait dire à Farouk. Elle finit par l'apercevoir à l'autre bout du couloir dominant la mer de perruques comme un pic enneigé. Farouk se tenait devant la chambre forte de Thorne et attendait son ouverture. Il régnait sur place un climat de confusion générale. Les gendarmes venaient de découvrir leur confrère endormi sur le sol et la croûte d'or fondue sur la porte. Le mot « évasion » filait déjà de bouche en bouche. Mais le chef de brigade fut formel. « La cellule est restée hermétiquement close, monseigneur. Il y a eu une tentative d'effraction, mais la porte est toujours verrouillée de l'extérieur. Son ouverture nécessite 3 clés spéciales et je détiens personnellement l'une d'elles. » Parvenue au premier rang, Ophélie vit le chef de brigade brandir fièrement le trousseau qui étincelait à son cou. Elle aurait pu lui expliquer qu'il existait tout un tas de façons d'entrer dans cette cellule et d'en sortir sans posséder de clé, mais cela n'aurait probablement pas servi ses intérêts. « Ouvrez-moi !» ordonna Farouk d'une voix atone. « Attendez !» À force de jouer du coude, Ophélie réussit à s'extraire du cortège puis à s'interposer entre Farouk et la porte blindée, ignorant les murmures de désapprobation qui se propageaient autour d'elle. Elle leva la tête à s'en dévisser le cou et se hissa sur la pointe des pieds dans l'espoir d'accrocher enfin les yeux de Farouk tout là-haut, au sommet de son interminable stature. Elle n'y parvint pas. Il regardait droit devant lui depuis le morne entrebâillement de ses paupières. Ophélie aurait pu aussi bien être une carpette. « Veuillez libérer le passage, madame !» intervint le chef de brigade. Il avait donné cet ordre d'une voix polie mais autoritaire. L'espace d'un instant, ses sourcils s'étaient haussés alors qu'il se demandait vraisemblablement comment Ophélie avait quitté la cellule. Il dut décider que la gendarmerie s'était suffisamment ridiculisée pour aujourd'hui car il s'abstint de tout commentaire sur ce point. « Hier, je n'ai pas été capable d'honorer le contrat. » dit-elle en se concentrant uniquement sur Farouk. « Il y avait une chose que vous vouliez vous rappeler au sujet de votre livre, et je ne l'ai pas trouvée. Je sais à présent ce que c'était. » Farouk ne daigna pas baisser les yeux sur elle. Il continuait de contempler l'immense porte circulaire, toute d'acier renforcé, de rouages et de verrous. « Je dois faire ce qui est écrit, articula-t-il lentement, sans la moindre intonation de voix. Les lunettes d'Ophélie s'assombrirent. Elle ne devinait que trop bien la façon dont le mille-faces s'y était pris pour replacer Farouk sous son emprise. Il avait touché à son livre. Ce qu'Ophélie ne comprenait pas, c'était pourquoi il l'avait fait. Ça allait complètement à l'encontre de la vérité qu'il avait cherché à lui transmettre autrefois. « Vous n'êtes pas une poupée !» affirma Ophélie avec tout le souffle dont elle était emplie. « Vous n'avez pas à réaliser le rêve d'un autre !»« Je dois faire ce qui est écrit !» répéta imperturbablement Farouk. « Ouvrez la porte !» Les trois gendarmes responsables du mécanisme d'ouverture s'avancèrent vers Ophélie, mais elle se campa sur ses jambes et les mots de Dieu lui sortirent du corps, comme s'ils avaient inexplicablement toujours été là, tapis dans un recoin de son être, attendant leur heure. « Ton livre n'est que le début de ton histoire, Odin. Il n'appartient qu'à toi d'en écrire la fin. » Des exclamations de surprise jaillirent de toutes les gorges. L'effet produit par les paroles d'Ophélie fut aussi soudain que spectaculaire. Farouk tituba en arrière et porta une main à sa poitrine à l'endroit précis où il rangeait son livre sous son manteau impérial. On aurait pu croire que c'était son cœur qui venait de se briser en morceaux. Il tomba à genoux dans une débâcle de cheveux et de fourrure. Son impassibilité vola en éclats et ses yeux, écarquillés par une émotion trop forte, s'ouvrirent en grand sur Ophélie comme s'il la voyait enfin. Elle aurait dû avoir peur. Peur de ce qu'elle lui avait fait, peur de ce qu'il aurait pu lui faire lui. Il n'en était rien. La mémoire de sa lecture avait fait pénétrer Ophélie si intimement dans l'histoire personnelle de Farouk qu'elle ne faisait plus de distinction entre son passé à lui et son passé à elle. Elle s'approcha de lui, et d'un geste qui scandalisa toute la cour, elle repoussa ses longs cheveux blancs exactement comme sa mère l'avait fait avec elle dans l'escalier. Agenouillée sur le marbre, sa main crispée contre son livre, le visage de Farouk exprimait une confusion indescriptible. Son psychisme irradiait à nouveau autour de lui comme une puissante aura invisible. Ophélie sentit des élancements de douleur la parcourir, alors que son système nerveux encaissait l'onde de choc, mais elle tint bon. Farouk avait cessé d'être un empereur immortel. Il n'était plus qu'un enfant perdu, et lui tourner le dos à cet instant aurait pu lui être fatal. « Petite d'Artémis, » murmura-t-il d'une voix déboussolée, « qu'est-ce que je dois faire ? À vous de nous le dire. » Ophélie fit signe à l'aide mémoire de s'approcher. Après une brève hésitation, le jeune homme apporta le pense-bête avec son professionnalisme accoutumé. Alentour, gendarmes et courtisans échangeaient des regards circonspects, partagés entre le désir d'intervenir et celui de s'enfuir. Avachi sur le marbre, Farouk ouvrit son pense-bête, puis en tourna lentement les pages. Il y avait là le compte-rendu du procès de Thorn, le facsimilé de son contrat de lecture et un mélange de gribouillis à peine déchiffrable. Farouk relut ses notes avec une expression hagarde. Il semblait en proie à une déchirure intérieure, tiraillée par des instructions contradictoires. À part le froissement des pages sous ses doigts et quelques toux nerveuses dans la foule, un silence de caveau était tombé sur les lieux. Soudain, Farouk se figea au milieu de sa lecture. Ses yeux s'étaient immobilisés sur une coupure de presse qu'il avait extraite d'une gazette. Bien qu'elle ne pût que la voir à l'envers, Ophélie reconnut la silhouette de Bérénilde assise à côté d'un berceau. Il y eut un sursaut général quand Farouk, enfin, referma son pense-bête et se releva. « Ouvrez la porte » ordonna-t-il. Ophélie cessa un instant de respirer. Elle sentit la gigantesque main de Farouk se poser de tout son poids sur sa tête, mais c'était là un geste d'apaisement et non de domination. Les rôles venaient de s'inverser. Il était le parent et elle était l'enfant. « Vous avez honoré le contrat, petite d'Artémis. J'accorde à Monsieur Thorn un titre nobiliaire et je l'affranchis de sa condition bâtarde. Par voie de conséquence, il sera soumis à un nouveau procès, cette fois en bonne et due forme. « Ouvrez la porte !» répéta Farouk à l'intention des gendarmes. Les murmures de protestation qui s'élevèrent parmi les mirages s'éteignirent comme des bougies sous le regard hivernal de Farouk. Le cœur battant le tambour, Ophélie le considéra pour la première fois comme un véritable esprit de famille. Son soulagement fut si brutal que ses jambes mollirent comme du beurre et il lui fallut tout ce qui lui restait de volonté pour tenir debout. Bientôt elle reverrait Thorn. Il pourrait être soigné, il pourrait être jugé équitablement et ensemble, elle et lui. Il pourrait repartir sur de nouveaux rails. Pendant que la lourde porte en or, manœuvrée par ses trois gendarmes, émettait d'interminables cliquetis de métal, Ophélie ne se raccrocha qu'à cette idée. Elle ne voulait penser ni aux mille faces, ni au tuteur, ni à cet autre qu'elle avait prétendument libéré et qui provoquerait l'effondrement des arches. Non, elle ne voulait pas encore penser à tout cela. Elle voulait juste savourer cet instant de joie pure avec Thorn, fût-il éphémère. Lorsque la porte s'ouvrit enfin sur la chambre forte, Ophélie sentit son sang se figer dans ses veines. Elle vit les meubles renversés aux quatre coins de la pièce. Elle vit la lampe clignoter pitoyablement sur le sol. Elle vit l'eau s'écouler sans fin du lavabo. Thorn, lui, n'était nulle part.